Bonjour à toutes et à tous, et vous êtes bien à l'écoute de Radio Guémozo. Vous nous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Bienvenue à tous. Et nous sommes en direct, il est midi, il est temps de s'installer confortablement pour un nouveau voyage dans la bulle. Et s'installe avec nous aujourd'hui notre invité, monsieur Jean-Pierre Valentin. Jean-Pierre, bonjour. Eh bien bonjour Lia, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir accepté cette invitation, comment ça va ? Ah, ça va bien. Ah ben c'est super. Alors Jean-Pierre, on ne vous présente plus, mais bon, je vais le faire quand même. Vous êtes documentariste, photographe, écrivain, voyageur. Je pense que beaucoup de nos auditeurs, vous connaissent déjà. J'ai envie de dire que vous êtes un petit peu un habitué des studios de Radio Guémozo. Hein. C'est pas la première fois que vous venez par ici. Ah non, je suis souvent passé chez vous. Alors, je parlais de voyage au début de cette émission, c'est pas vraiment un hasard. On pourrait rajouter à votre panel le terme d'aventurier, hein, car c'est à l'âge de 20 ans, inspiré entre autres des récits de Saint-Exupéry, que vous décidez de traverser l'Afrique de l'Ouest à pied de Dakar au lac Tchad. Périple incroyable. Oui. Hein? Périple compliqué à réaliser aujourd'hui si on voulait le refaire, vu la situation géopolitique au sud du Sahara. C'est vrai. Mais effectivement, à l'époque, c'était une belle aventure. C'était mon deuxième grand voyage. D'accord. Et après un premier parcours au Sahara, finalement, où j'avais essayé d'appréhender un petit peu la vie dans ces espaces steppiques du Sahel, il m'a semblé que la marche à pied serait la meilleure manière, finalement, de rencontrer l'autre, d'aller à la rencontre des populations villageoises, des communautés nomades, et voilà, donc je me suis lancé dans cette aventure-là. Ce n'était pas un exploit sportif, hein, c'était vraiment l'idée de marcher pour rencontrer, pour côtoyer, et c'était un très beau voyage initiatique en quelque sorte. Et oui, comment ça se prépare un voyage pareil ? Ça se prépare pas vraiment. Ça fait longtemps, donc je me souviens plus. Non, mais ça se prépare. C'est plutôt l'envie, finalement. En tout cas, au niveau physique, au niveau. Enfin voilà, moi je n'avais pas vraiment préparé. J'étais un petit peu sportif, évidemment. Oui. Mais c'était vraiment pas du tout dans l'idée d'être dans l'exploit, d'être dans le dans la rapidité. Oui. Voilà, c'était plutôt marcher au rythme local, enfin voilà, rencontrer. Je m'étais aperçu qu'à bicyclette, qu'avec les taxis brousses, qu'avec les transports en commun lors de mon premier voyage, c'était pas évident de côtoyer, de s'arrêter là où on le souhaite, finalement. Oui. Alors que quand vous êtes à pied, partout en Afrique, vous êtes le bienvenu, vous pouvez vous arrêter où vous le souhaitez, dans un beau village que vous traversez, aller rencontrer des bergers qui sont dans un campement un petit peu éloigné, mais que l'on aperçoit depuis la piste. Donc voilà, ça me semblait la meilleure façon d'apprendre un petit peu de cette terre d'Afrique qui me fascinait, qui me fascine toujours. Et du coup, je suis parti à pied, avec surtout cette grande volonté d'aller au bout du voyage. Voilà, donc ça a été, après, il y a eu des aventures et des problèmes plus ou moins à gérer, bien sûr. Sur un an de marche, ce n'est pas simple. Et oui. Mais voilà, après, c'était vraiment l'envie d'aller au bout de ce voyage-là, et c'est ce qui m'a permis ensuite, après cette aventure d'une année, de revenir sur mes pas, en quelque sorte, puisque quand même, je voulais aboutir à ce voyage et aller jusqu'aux frontières du Tchad, tout aux confins du Niger. Et donc, même si je m'arrêtais parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il fallait reprendre cette longue marche, finalement, pour aboutir pour atteindre la fin du voyage prévu, annoncé au départ, et aller de Dakar au lac Tchad, évidemment. Et donc, je reprenais, malgré les envies parfois de m'arrêter plus longtemps encore, mon itinéraire. Et donc ensuite, dans les années qui ont suivi, je suis régulièrement revenu dans ces mêmes espaces sahéliens pour parfois retrouver des familles que j'avais rencontrées pendant ce voyage, ou alors aller sur des zones que l'on m'avait indiquées par rapport à mes centres d'intérêt. On m'avait dit « Ah, si tu vas dans le nord du Mali, tu rencontreras des communautés touareg particulières. » Enfin voilà, donc c'est ce voyage-là a été à l'initiative de beaucoup de parcours, d'itinéraires qui ont suivi dans les années dans les années suivantes, quoi. Vous parliez de fascination. Alors, pourquoi cette fascination, justement, pour ces terres inconnues, un petit peu à l'époque pour vous ? La toute première fois, pourquoi vous avez décidé d'aller là-bas ? En fait, comme vous l'avez signalé, ce sont des lectures qui m'ont donné l'envie de partir. Donc on a parlé de Frison Roche, Saint-Exupéry. Voilà, ce sont des lectures de voyageurs au long cours qui ont donc traversé ces territoires. À dos de dromadaire avec des Touaregs, par exemple, pour Frison Roche, qui était aussi un montagnard. Donc cet univers-là me fascinait. Saint-Exupéry survolait finalement au temps de l'aéropostale le désert et tombait en panne. Enfin bon, voilà, il a vécu des aventures. Lui aussi rencontrait finalement des tribus hostile à l'époque, c'était les Maures, Grand Chamelier, les hommes bleus de Mauritanie, vers le Sahara occidental. Donc voilà, tous ces récits-là me donnaient envie finalement de découvrir un jour ces territoires-là, et par-delà l'envie de découvrir ces paysages, aussi le désir de côtoyer ces populations. Oui. De bergers, de chameliers, enfin voilà, c'était assez fascinant d'entendre que ce soit Frison ou Saint-Exupéry parler de ces populations, parler de ces familles, de ces campements, voilà, de ces éleveurs. Et donc à l'âge de 19 ans, la première fois, je suis parti... Voilà, parce que j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de découvrir d'autres sociétés que la nôtre, parce que peut-être la nôtre n'était pas vraiment satisfait de la vie menée à ce moment-là dans nos sociétés. Donc du coup, je suis parti, et là, ces rencontres ont été formidables au niveau de l'accueil, au niveau des familles, voilà, qui sont devenues des secondes familles, ainsi de suite. Enfin, après, il y a eu ce voyage à pied d'un an qui a suivi, hein, 82, 83, 84, donc il y a une bonne trentaine d'années. Ce voyage à pied, bon, m'a permis finalement d'acquérir quand même quelques connaissances, de mieux saisir les réalités du terrain. Ces allers-retours m'ont donné l'envie aussi de lire, d'aller dans des bibliothèques, enfin voilà, d'organiser en quelque sorte mon université du désert. Oui. Donc d'apprendre de ces rencontres, de ces instants passés sur le terrain finalement. Donc avant de me plonger dans les livres, quasiment, je suis parti sur le terrain, faire mon terrain, et après je suis revenu me plonger dans des tests d'ethnologie ou autres, parce qu'il me manquait certaines clés. D'accord. Pour comprendre l'histoire africaine, pour comprendre la vie de ces communautés de bergers, qu'ils soient Peuls, Touaregs, Maures, Toubous, voilà, et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc c'est vraiment une envie d'ailleurs, donc une envie de partir pour changer le monde pendant quelques temps, changer de société, découvrir comment ça fonctionnait ailleurs. Et puis ce départ-là, a été concluant quelque part. Enfin, ces rencontres-là ont été concluantes. Et à chaque retour, j'avais l'envie de repartir. Oui. Donc au départ, c'est des voyages, c'est un petit peu l'aventure en quelque sorte. Hein, voilà, sans un but très précis, même si dès le début... la pratique de la photographie m'encourageait finalement à témoigner, à photographier, avec l'envie de l'écriture, parce que mon désir venait aussi de lecture, donc de l'écrit, oui. D'écrivain. Donc voilà, mais petit à petit, ça a mis du temps à se combiner, à s'organiser. Donc les premières années, voire la première décennie, ça a été un petit peu chaotique, avec des allers-retours, des petits boulots entre les voyages, et puis des voyages qui s'enchaînent, et puis des voyages de plus en plus longs, on va dire, auprès de familles, de communautés nomades, qui sont devenues, voilà, des parents, des proches, certains amis côtoyés, certains amis Touaregs, entre autres, rencontrés dans les années 80. Je les fréquente, je les rencontre toujours aujourd'hui. D'accord. On communique avec certains, je pense à un ami infirmier, par exemple, que j'ai au téléphone, en gros, chaque semaine, quoi, en moyenne. Il y a des vrais liens qui se tissent. Voilà, donc il y a des liens très forts. Il est venu à la maison, dans les Vosges. Donc ah, il y a oui. des liens forts avec un certain nombre, un nombre important même de personnes autour du Sahara, au Sahel, au Maghreb, au Maroc en particulier. Voilà, donc ces voyages à répétition, à chaque fois, m'encourageaient à repartir. Et puis, tout doucement, je suis entré dans une démarche plus professionnelle, oui. qui, après ces premiers voyages initiatiques, en quelque sorte, était de... Enfin, voilà, j'avais plus envie envie de témoigner, même si dès les premiers voyages, j'ai rapporté des images que j'ai partagées, oui. Avec des conférences, avec des soirées, voilà. Et puis après, c'est devenu l'envie de réaliser des films, de partir sur des projets de livres, des projets photographiques plus construits pour des expositions ou des magazines. Enfin voilà, après, ma vie s'est organisée autour de ces voyages-là. De ces allers-retours entre les Vosges que je n'ai jamais quittées et l'Afrique, on va dire, hein, même s'il y a eu quelques infidélités à l'Afrique, je suis vraiment principalement toujours retourné aux rives du Sahara, on va dire, hein, vers ouais. le nord, le Maghreb, vers le sud, principalement les steppes du Sahel, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso, voilà, beaucoup. Mais tout doucement, c'est devenu des projets, des allers-retours, on va dire, plus professionnels, plus construits, avec des projets de films, des projets d'ouvrages, et donc voilà, des chantiers qui étaient un petit peu différents des aventures au long cours du début. Oui. À travers les projets donc, que vous avez faits, hein, vous avez un petit peu partagé, je suppose, le quotidien de certaines tribus. Comment ça se passe quand on partage un quotidien comme ça ? Est-ce que déjà les personnes vers qui vous avez été, les tribus, les nomades, ont été d'accord pour, par exemple, se faire prendre en photo, se faire filmer ? Ça ne posait pas de soucis pour certains d'entre eux ? En fait, ça ne pose pas de problème si on prend le temps de s'installer, d'expliquer sa démarche. Oui. Donc voilà, moi j'ai toujours eu une démarche assez lente, des voyages longs qui permettaient finalement cette lenteur. Et c'est ce temps d'intégration, d'imprégnation. Et quand je suis allé dans des familles nomades, principalement aussi villageoises, mais enfin, oui. c'est vrai que le cœur de mon travail concerne vraiment le monde des éleveurs extensifs, donc des bergers, des oui. nomades, des Touaregs, des Pelououdabés. Donc voilà, les premières rencontres, soit étaient liées à des campements aperçus au hasard que j'essayais de retrouver, ou tout doucement des conseils que l'on m'avait donnés de retourner par exemple dans tel espace pour rencontrer telle communauté Touareg qui a mieux préservé que d'autres ses traditions, sa vie nomade, ou alors des communautés caravanières, ça c'est plus récent dans les années 2000 au Niger, dans le désert du Ténéré. Et donc ça se passe finalement avec des premiers contacts plus ou moins simples à mener, mais en général l'accueil est toujours très bon, et puis il y a des contacts aussi de hasard, et que l'on essaye d'entretenir. Je rencontre un de mes amis Oudabé avec lequel j'ai beaucoup vécu et j'ai beaucoup filmé dans sa famille, c'est depuis une petite vingtaine d'années, et au début des années 2000 avec Cabo Anna, donc un berger que je fréquente beaucoup, eh bien nous nous sommes rencontrés à Niamey par hasard, lui il était là, enfin l'histoire serait longue à raconter, il était là pour diverses affaires, finalement je le rencontre alors que je cherche quelqu'un d'autre, je vois bien physiquement que c'est un peu le Oudabé, donc d'une communauté particulière, une petite communauté de quelques centaines de milliers d'individus, oui. et là-dessus on discute, je lui explique que j'ai déjà vécu avec des familles de sa tribu en quelque oui, sorte oui. Et de sa communauté, et puis je lui explique, d'autant plus qu'il parle un peu français, ce qui est rare chez les grands nomades, oui. Que ça m'intéresserait beaucoup d'aller chez lui, de passer chez lui. Alors voilà, sur le chemin qui me mène dans le grand nord nigérien vers des communautés Touareg chamelières, eh bien je vais m'arrêter chez Cabo Anna, on va passer du temps en famille, peut-être une dizaine de jours à l'époque en 2002, et puis on s'est retrouvés très régulièrement, et lui aussi, on se parle souvent, enfin voilà, on a vraiment établi une relation très, très familiale, très proche. Donc voilà, quand on arrive dans un campement, ensuite, bon, on a un premier contact, mais après on arrive dans des familles, des femmes, des enfants qui ne vous connaissent pas. Donc oui, ben c'est sûr que photographier, plus encore filmer, demande du temps, demande d'expliquer aussi son projet, qu'est-ce que l'on souhaite faire. De montrer peut-être ce que l'on a fait avant quand c'est possible. Alors au niveau des livres c'est facile, au niveau d'un film c'est un peu plus compliqué, oui. même si aujourd'hui le DVD, l'ordinateur portable permet, mais enfin voilà, on est au bout du monde, pas d'électricité, rien, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais en tout cas expliquer son projet, que ce soit, enfin voilà, là on parle de Cabo Anna et de Peul Nomade, on pourrait parler des grands nomades, enfin des grands caravaniers, donc des Touaregs qui traversent le désert des déserts, se ténérer 300-400 000 km² de vide absolue. Bon, comment les rencontrer. Effectivement, ils sont, de toute façon, les nomades ne sont pas au bord du chemin. Enfin, il faut avoir la volonté de les côtoyer. Oui. On peut traverser ces espaces en disant, mais le nomadisme, c'est fini. Moi, voilà, combien de fois on me dit ça parfois. Je suis allé au Niger, au Mali, enfin, quand c'était encore plus facile de circuler, mais je n'ai pas vu de. Donc, vous parlez de nomades, mais c'était filmé quand? Parce que ça n'existe plus. Les caravanes, c'est fini. Et non, ça existe toujours. Sauf qu'on ne les voit pas nécessairement si on ne va pas à leur rencontre de ces grands chameliers caravaniers, de ces qui sont des commerçants finalement qui utilisent leurs bêtes pour transporter et commercer avec des grandes caravanes hauturières au long cours sur 1000-1500 km. Alors, du coup, on se renseigne où se trouve-t-il. Alors, c'est vrai qu'à force de fréquenter ces territoires, on a de plus en plus d'informations, de contacts, de relations et qui aident finalement, qui m'ont beaucoup aidé à aller dans des villages de plus en plus reculés ou dans des campements éloignés avec des recommandations en disant voilà, je viens de la part d'un tel ou un tel vous accompagne. Et à partir de là, encore une fois, vous expliquez ce que vous cherchez à faire, quoi, que ce soit dans la vie d'un campement ou quand vous rencontrez des caravaniers touareg qui vont partir pour une grande traversée du Ténéré, vous les côtoyez dans un premier temps en marge de ce grand désert. Ils vont bientôt partir, s'élancer. Alors, moi, la première fois, voire deux fois, je ne me suis pas directement élancé avec eux, mais j'ai marché avec eux pendant quelques jours. J'ai expliqué ce que je souhaitais faire, qui était d'accompagner à pied et de filmer une caravane qui ne s'arrête presque jamais. Donc, physiquement, enfin, au niveau technique, c'était un peu compliqué à mener. Mmh. On en a beaucoup parlé avec eux. Alors, au début, bien sûr, on ne se connaît pas. On se demande ce que ce gaillard est venu faire dans cet espace. Et puis, tout doucement, en parlant de ce qu'on a fait, en parlant de ce qu'on souhaite faire, en expliquant que l'on souhaite filmer la caravane, en espérant qu'elle vive encore de belles décennies, mais que peut-être qu'un jour, tout cela va changer. Oui. Et que ça, même si déjà des films ont été réalisés, mais que l'on a envie d'apporter sa pierre et son témoignage et que l'on souhaite travailler à préserver une certaine mémoire de cette vie-là. Et du coup, en général, par le temps passé, par l'habitude de ces relationnels-là, que l'on peut acquérir probablement, moi, c'est difficile à dire pour moi, finalement, au fil de ces décennies qui sont passées, on a en général plutôt un très bon accueil. Tu veux nous accompagner, ma foi, viens, quoi, voilà. Ou tu veux rester, je me souviens dans les années 80 aussi d'avoir eu l'envie de rester dans des campements où ça s'est bien passé, uniquement pour photographier à l'époque. Est-ce qu'au début, je voudrais bien rester quelques jours avec vous, d'accord. Je me souviens un peu le nomade qui avait dit à des amis villageois, mais qu'est-ce qu'il va manger l'étranger là? Il va manger, moi j'avais répondu que je mangerais comme eux, que j'allais boire la même eau qu'eux, que j'allais m'intégrer à leur vie quotidienne. C'est important. Et à partir de là, souvent ça se passe bien, parce que il y a un effort qui est fait, finalement, on est ensemble. Et puis du coup, de 2-3 jours, on se dit, je resterai bien encore quelques jours de plus. Et puis de là, ça, en général, c'est tu restes le temps que tu veux, quoi. Finalement, tu es chez toi. Et après, au niveau de la photo et du film, qui effectivement ça peut paraître parfois un petit peu intrusif ou autre, donc il faut prendre du temps, aller doucement. Ça dépend des familles, ça dépend des personnes, et puis tout doucement, de toute façon, ça s'organise, parce que si on est attentionné, si on est, si on prend le temps, en tout cas, de ne pas brusquer les choses, ça s'arrange. Eh bien oui, tout à fait. Donc le grand but, c'était de garder une trace de ces communautés, de leur mode de vie, au cas où, si un jour, ça disparaît, c'est ça ? Une des idées directrices en quelque sorte, ce n'est pas la seule, mais c'est vrai que l'idée quand même et l'explication donnée souvent dans les rencontres avec ces groupes qui sont aujourd'hui assez fragiles, des groupes nomades fragilisés pour diverses raisons dans des espaces compliqués à manœuvrer par rapport au climat qui change, par rapport au dérèglement climatique, à l'accumulation de sécheresses avec moins de belles années, avec la perte des troupeaux, avec les frontières, ça c'est très ancien maintenant, qui ont morcelé un peu le territoire. Enfin, on est plutôt dans une phase où chaque décennie qui passe ajoute de nouvelles barrières, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, c'est des problématiques géopolitiques avec l'islam radical, le djihadisme qui s'est installé dans ces territoires, alors qui ne touche pas directement les nomades, mais qui pose quand même problème au mode de vie par rapport à des zones de guerre, de conflits qui s'ajoutent au dérèglement climatique. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que l'idée de témoigner et de préserver une trace est là depuis le début, mais c'est aussi l'idée pour moi finalement d'une démarche quelque part artistique, de créatrice, de réalisateur ou de photographe, certes de garder une trace, mais aussi de garder cette trace-là, comme on pourrait dire, à sa main, enfin, selon son désir d'artiste, enfin artiste, le mot est un peu pompeux, mais voilà, quand vous réalisez un film, vous avez envie de faire passer un message, mais pour moi c'est avant tout une émotion, voilà, de faire passer une émotion et d'évoquer finalement la qualité ou la dureté, mais enfin en tout cas la réalité et souvent quand même une certaine qualité et la beauté d'une vie, de la vie de ces communautés du désert. Bon voilà, moi je suis plutôt en admiration quelque part devant ces groupes qui ont réussi à appréhender, à apprivoiser des espaces qui nous semblent impossibles à vivre. Oui. Et eux, finalement, réussissent à les traverser sans outils de navigation modernes, comprennent cet espace naturel, le connaissent, l'appréhendent, le comprennent. Voilà, s'il y a une catastrophe, ben voilà, c'est comme ça. Ils sont un petit peu fatalistes aussi, parfois. Mais surtout, développent un mode de vie qui génère des troupeaux, donc de la viande, donc des richesses. Donc, ils participent au produit intérieur brut du Niger ou du Mali par leur travail de nomades, même si parfois les communautés ou les dirigeants, finalement, plutôt issus des communautés sédentaires, si les dirigeants, les gens des villes, les voient plutôt comme des baladins qui se déplacent avec leurs bêtes, sans se rendre compte qu'ils produisent une vraie richesse et qu'une grande partie de la viande de ces territoires provient d'un élevage extensif. Donc voilà, ils sont pas du tout, ils ne s'amusent pas, ils élèvent dans une zone où c'est impossible d'avoir un élevage intensif, où il faut se déplacer sur de grandes distances, de grandes amplitudes. Et ce territoire-là, ils le connaissent, ils l'appréhendent. Ils en ont une certaine maîtrise je trouve ça beau et intéressant de témoigner de cette qualité de vie là, enfin de cette réalité là en tout cas, voilà. Et oui, vraiment passionné par le sujet, il n'y a pas de problème, on ressent toute cette passion et moi je voyage complètement, donc c'est génial. Alors si vous le voulez bien, on va se lancer dans une première bulle de son avant de continuer cette émission avec une chanson de Kalassouf, un CD que vous avez ramené avec le titre Akaline, Mon pays, c'est bien ça? Oui. Hein? Oui, tout à fait. Alors, Kalassouf, c'est vraiment l'essence de la musique touareg. Oui. Essouf, c'est la nostalgie. Et d'accord. En fait, quand... alors, j'ai réalisé tout un film il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, avec des musiciens touareg, des musiciennes touareg, oui, dont les gens de Kalassouf. Et quand on demande à ces musiciennes, à ces musiciens de définir leur musique, parce qu'on a parlé de blues touareg, enfin la musique touareg à le vent en poupe, oui, et en fait eux parlent plutôt de Essouf, en fait qui est plutôt une nostalgie du pays, et Akaline qui était un peu la chanson phare du film qui démarrait, qui concluait ce long métrage qui s'appelle L'âme bleue. Akaline, c'est vraiment la nostalgie de son pays finalement, martyrisé par les temps qui courent. Et oui. Alors on écoute ça tout de suite et puis on se retrouve juste après. Assoufne ta hidrosa Rahmani. بس الدوب يا راس النفرن بس لسان بس لسان رحماني بس لسان راس النفرن خارس من هد ماستي خارس من هد toujours ensemble dans la bulle aujourd'hui avec notre invité Jean-Pierre Valentin qui est venu eh bien, nous faire partager un petit peu, un petit bout de son parcours. Voilà, on était en train de parler eh bien, des voyages et puis de toutes ces rencontres. Alors les femmes ont une place particulière aussi à travers les voyages que vous avez entrepris. Il y a eu même un projet en cours qui se nomme La Voix des femmes, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Alors, en revenant pour revenir sur la chanson de oui. Anana, Anana Agaroun, qui est le leader de Kélessouf, donc de ce groupe. D'accord. Et donc, j'avais rencontré Anana et d'autres musiciennes et musiciens pour réaliser L'âme bleue, donc un film dédié pas seulement à la musique touareg, mais aux problèmes actuels du monde touareg par rapport à une géopolitique complexe avec le narco-djihadisme, l'islam radical qui s'est installé depuis quelques années au Sahara, au sud du Sahara, donc dans l'espace des Touaregs, qui est un espace chaotique depuis des décennies, depuis l'indépendance. Les Touaregs ont toujours eu des velléités de révolte pour essayer de retrouver une autonomie, une indépendance par rapport à des frontières tracées à l'époque de la colonisation française, oui. Des frontières qui ne leur conviennent pas vraiment, oui. Finalement, parce qu'ils se retrouvent dans leur grand territoire au nord du Niger ou au nord du Mali, avec des populations du sud très différentes. Enfin voilà, c'est des pays qui sont compliqués à diriger de par ces écarts-là au niveau des populations. Et les Touaregs l'ont assez mal ressenti, on va dire. Ça ne s'est pas très bien passé dès les années 60, dès l'indépendance de ces pays sahéliens. D'accord. Et donc régulièrement, il y a eu des révoltes, donc dès les années 60, dans les années 90, pendant presque 10 ans, la période a été très troublée, mais vraiment des révoltes de groupes pour une autonomie, mais des groupes laïcs en tout cas, et c'est seulement depuis les années 2000 qu'on a, que s'ajoute, et surtout les années 2010, donc tout récemment, qu'à la revendication touareg d'autonomie s'est ajouté mais un phénomène tout à fait extérieur, exogène, qui est arrivé d'Algérie, avec la religion qui s'est oui, finalement mêlée au problème. Alors que pour les touaregs, ce n'était pas du tout un problème de religion, d'islam radical ou autre, c'était vraiment une revendication d'autonomie, de territoire, de plus plus de liberté, de représentation politique. Et c'est vraiment dans les années 2000, mais surtout 2010, que des groupes issus du terrorisme algérien, finalement issus du GIA, devenus ACMI, sont arrivés de l'Algérie vers le Niger et surtout vers le nord du Mali, et ont profité finalement de ce chaos régulier finalement dans ces espaces pour s'installer, infiltrer aussi des groupes Touareg, enfin créer une grande confusion finalement par rapport aux Touaregs qui sont laïcs, qui ont une société très particulière et fort passionnante et pas du tout radicale finalement. Et voilà, donc c'est complexe à expliquer en quelques instants, mais c'est vrai que c'est ce sujet que l'on abordait dans l'âme bleue avec différents musiciens, des artistes, mais aussi des politiques, des leaders des mouvements Touareg que j'ai pu rencontrer. Et dans ce documentaire-là, L'âme bleue, finalement, la voix des femmes était importante. La voix de quelques musiciennes, de quelques personnes réfugiées était très très forte pour évoquer un petit peu ce risque aussi de dérive si jamais dans une société Touareg qui est matrilinéaire, oui, donc où le rôle de la femme est très important, oui, au niveau de la filiation, de l'héritage, enfin voilà, la femme a vraiment droit à la parole, elle est très respectée dans la société Touareg en général. Et effectivement, s'il y avait, ce n'est pas le cas aujourd'hui encore, hein, s'il y avait une dérive vers un islam plus orthodoxe, en fait, plus radical par rapport au djihadisme qui s'est infiltré, les femmes auraient beaucoup à perdre de cette situation-là. Mais oui. Donc dans leur champ, depuis leur terre d'exil, malheureusement toujours aujourd'hui, elles évoquent ce problème qu'elles redoutent en quelque sorte. Oui. Mais aussi, elles sont à la pointe du combat et dans les mouvements laïcs, Touareg, il y a des femmes qui ont des postes importants parfois aussi, enfin voilà, donc elles sont bien présentes. Donc j'ai l'idée, mais pour l'instant c'est toujours au stade de projet. D'accord. De réaliser un film qui s'appelle Touareg, la voix des femmes. Oui. Un film qui serait dédié finalement, et là le chantier avance tout doucement, mais voilà, c'est un petit peu long à mener, un film qui serait dédié à cette parole-là féminine chez les Touareg, et pour qu'elles expliquent en fait un petit peu aussi cette situation que l'on connaît peu ici. Finalement, on dresse un portrait de ces territoires aujourd'hui, finalement, avec ces conflits récurrents, un portrait assez négatif finalement, oui, de ces sociétés sahariennes, en mettant les Touaregs dans le même sac que les narco-djihadistes. Enfin voilà, alors même si certains Touaregs se sont laissés comment convaincre par les sirènes de l'argent facile ou de la guerre ou du djihad en quelque sorte, la majorité, 90% ou voilà, c'est difficile de donner un chiffre, mais la majorité écrasante des populations touareg sont contre ces mouvements, en subissent les effets, les contre-coups évidemment, parce que leur territoire est abîmé par cette réalité actuelle, avec l'intervention de l'armée française depuis 2013 au Mali, enfin ainsi de suite. Donc voilà, c'est avec des attentats et des centaines de morts par an au niveau des populations civiles, enfin c'est très difficile. Au niveau des Touareg, on a toujours 150 000 personnes en exil. Donc bien sûr, dans ces exilés, énormément de femmes, d'enfants. Donc que va devenir, puisque les années passent, cette société Touareg future, comment on va retrouver des troupeaux pour ceux qui étaient bergers, et des troupeaux qu'ils ont laissés, abandonnés à d'autres, enfin voilà, donc on peut se poser beaucoup de questions et être plus ou moins inquiet, en tout cas, voire pessimiste par rapport à l'avenir de la société Touareg, qui ne disparaîtra pas parce que c'est un peuble important au niveau du nombre. Hein, donc oui, voilà. Mais comment on va sortir de cette crise-là? Et donc mon idée était mon envie toujours aujourd'hui est de donner la parole finalement à ces dames Touareg finalement qui pourraient parler ou qui peuvent déjà dans des documents que j'ai réalisés évoquer cette société, cette structure matrilinéaire, voire matriarcale, enfin cette importance de la femme et quel serait le risque finalement si cette importance diminuait. Oui. Et évoquer aussi leur culture particulière. Voilà, on parle de Tininan, donc de la reine fondatrice des communautés Touareg. Anana, le musicien, en parle dans Qu'elle est souffle, dans cet album-là, où il parle un petit peu de la... Voilà, c'est une reine, en quelque sorte. Alors, ça fait partie de la légende aussi, hein, mais qui a généré le monde Touareg, et que de là est né ce respect exacerbé, en fait, pour la femme, pour sa beauté, pour ses... Et donc pour la liberté en fait de l'ensemble de la communauté, comme les femmes aussi sont musiciennes, joueuses de violon, qui permet de véhiculer tout un tas d'émotions lors des soirées galantes. On parlait des cours d'amour touareg. Enfin voilà. Donc évidemment, tout ça est très loin, même si on était dans des communautés musulmanes, d'un islam orthodoxe rigoureux. Voilà. De toute façon, chez les touaregs, ce sont les hommes qui sont plutôt voilés de près, voilés serrés avec le tigelmoust. Oui. Les femmes sont un foulard, mais sont facilement dévoilées. Donc voilà, les femmes ne sont pas voilées chez les touaregs. Elles portent juste un foulard et les hommes sont voilés. D'accord. Pour diverses raisons, de légendes et ainsi de suite. Enfin voilà. D'accord. Et donc donner la parole à ces dames-là, ça, c'était l'idée de poursuivre le travail de l'âme bleue d'une réalisation précédente pour essayer d'évoquer et de partager ici chez nous finalement cette parole-là, puisque nous on amalgame beaucoup. Et combien de fois j'ai entendu des amis touaregs sont devenus islamistes, djihadistes, terroristes. Enfin voilà, c'est ne rien connaître de la situation au sud du Sahara aujourd'hui que d'évoquer en ces termes les réalités touareg. Et donc, en plus, en donnant la parole aux femmes qui seraient les premières concernées s'il y avait un changement de paradigme, oui. ça me semble un projet intéressant. Et ces femmes ont une parole forte. Voilà, nous explique par exemple dans un de mes montages. Que chez les Touaregs, on fête le divorce. Alors ça paraît, d'une part, savoir que le divorce est assez aisé et puis autorisé en tout cas, mais qu'en plus on le fête. Et une musicienne m'expliquait il y a quelques années en arrière, dans un petit montage, que finalement, on fête le divorce parce qu'on veut rendre l'homme jaloux quelque part. Ah, la femme va rentrer chez elle, puisque le mari, il y a divorce. Le mari, si c'est le mari qui est en cause, qui a finalement décidé de la séparation, la femme va rentrer chez elle et on nous explique que les frères, les sœurs, la famille va organiser une très grande fête pour rendre l'homme jaloux quelque part. Et peut-être qu'il a encore une chance de refaire un pas pour revenir conquérir le cœur de sa belle. Ou alors, il y aura bien d'autres prétendants et ainsi de suite. Donc c'est vrai que, voilà, ou Mama qui chante dans Qu'elle souffle, dans Akaline, le morceau que l'on a écouté, qui vit entre la Belgique et le nord du Mali, et qui dit, voilà, chez les Touaregs, dans la tradition, la femme, c'est la ceinture du pantalon de l'homme. Donc sans la femme, le pantalon tombe, enfin l'homme n'est rien sans son épouse, sans sa compagne. Et voilà, c'est elle qui éduque les enfants, toute l'éducation, le tifinagh. Les Touaregs ont gardé leur écriture tifinagh, donc une écriture très ancienne, oui. Qui remonte dans le temps. Et donc c'est la femme dans le campement qui est garante de l'éducation, de la transmission. Donc voilà, donc j'ai bien envie un jour de mener à bien ce projet, de donner la parole à ces femmes touareg pour qu'elles nous expliquent en quelque sorte, qu'elles puissent expliquer comment elles vivent cette situation-là, cette géopolitique compliquée aujourd'hui aux rives du Sahara. Et oui, nous aussi on a hâte que ce projet voit le jour pour pouvoir écouter ces femmes. Ça a l'air très intéressant et puis ça fait tomber plein de préjugés qui n'ont pas lieu d'être. Mm-hmm. Et ça c'est vraiment super. Alors un jour vous êtes revenu en France, même si vous retournez régulièrement au sein de ces communautés que vous appréciez particulièrement, avec qui vous avez tisser des liens très très forts. Pourquoi vous êtes revenu d'ailleurs? Vous n'avez pas eu envie un jour de rester là-bas? Ah oui, ça c'est une question. Effectivement, ça, la question pouvait se poser, mais assez vite. J'ai rencontré quelqu'un dans les Vosges, donc c'est parfois aussi l'amour qui fait que l'on reste ou que l'on revient à son port d'attache. Oui. Voilà, donc du coup, je suis resté attaché à une vie familiale, on va dire, ici dans les Vosges. Donc les Vosges sont toujours restés mon point de retour, enfin mon port d'attache quelque part, voilà, là où je travaille, où j'écris mes livres, où je travaille sur mes films. Mais effectivement, la question aurait pu se poser très jeune de rester vivre au Sahara, voilà. En fait, finalement, ces allers-retours me convenaient dans le sens où, on en parlait tout à l'heure, dès le départ, il y a eu quand même l'envie très vite, par-delà l'aventure de la jeunesse, de voyager. Très vite, c'était vraiment l'envie de comprendre et puis de témoigner. Enfin, oui. Chacun à sa façon, on peut témoigner, mais à ma manière, dans un travail de réalisateur, de photographe ou d'auteur, essayer de témoigner de cette vie saharienne, enfin, de cette vie nomade. Et à partir de là, l'aller-retour était plus pratique dans le sens où soit vous installez, vous devenez berger, enfin certains l'ont fait, vous restez pendant des années dans le désert ou avec des nomades ou dans un village perché du Maroc, pourquoi pas, et ou alors dans mon cas c'était plus vraiment il y avait une envie de créer, de témoigner, d'être dans cette dynamique là Et du coup, l'aller-retour était du coup inévitable, enfin, même si on pourrait imaginer fonctionner autrement. Mais pour revenir ici, monter des images, réaliser des films, les proposer, enfin voilà. Donc assez vite, je me suis installé dans cette vie-là qui était un pas au Sahara plusieurs mois par an souvent, et puis finalement plusieurs mois par an dans les Vosges ou en France oui. pour présenter les documents, pour les préparer, pour les monter. Voilà, donc voilà comment ça a fonctionné. Alors après, filmer dans les Vosges, puisque c'est peut-être là que vous voulez en venir. Eh oui, mais je voulais pas dévoiler le secret tout de suite. du coup, c'était un autre chemin en quelque sorte, hein, oui. puisque mais plusieurs fois dès les années 90-2000, enfin au début de mes projets en tant que réalisateur, on va dire, des amis. Me disait parfois, mais c'est bien beau d'aller filmer au fin fond du Sahara, là, mais tu pourrais filmer aussi chez toi, quoi, ici. Mais en oui. plus, tu habites une belle région. Voilà, bon. Alors, non seulement des films sur les Vosges existent, ont toujours existé, donc voilà, bon, ça me semblait moins évident. Et puis, ce n'était pas le moment, très certainement. Hein, donc voilà, il a fallu une trentaine d'années de voyages et de périodes d'exil, en quelque sorte, pour avoir tout d'un coup l'envie, le besoin de réaliser un film à la maison, en quelque sorte, dans les vallées que je fréquente au quotidien, que je n'ai jamais vraiment quittées, et d'aller à la rencontre de mes voisines et de mes voisins. Oui. Et il fallait aussi trouver le thème, vu que mon travail au Sahara n'est pas touristique, il est ethnographique, très proche des gens rencontrés, à l'écoute vraiment de plus en plus d'une parole contemporaine, enfin par rapport aux problématiques d'aujourd'hui. Donc revenir filmer dans les Vosges, bon, ça a été, il y a eu différentes raisons à cela, mais le processus a été déclenché en 2015 à partir du moment où j'avais trouvé un certain angle d'attaque, une certaine approche finalement, qui était l'envie d'évoquer la forêt, et par cet appel de la forêt évoquer celles et ceux qui vivent dans le voisinage des futaies, mais surtout qui par leur soit leur rôle d'acteur du monde rural, ou alors beaucoup par rapport à leur travail artistique, étaient dans ce voisinage-là intime. Et l'idée était en quelque sorte, pour moi, de convoquer une certaine émotion forestière. Donc c'est quand j'ai eu, quand l'idée du film, tout doucement au fil du temps, quand tout cela a été réuni, quand j'ai réussi à trouver l'angle, la thématique et l'envie d'émotion, l'envie de partage qui était en train de naître. Voilà, c'est à partir de là que je me suis lancé dans ce projet, l'appel de la forêt. Et oui. Je suis revenu finalement, que j'ai posé ma caméra finalement ici et que j'ai filmé dans ces vallées des Hauts-de-Vosges. D'accord, alors on va lever le mystère. Quant à un projet un petit peu récent que vous allez bientôt proposer, et comment on passe du Sahara aux Hauts-de-Vosges, comme on aime bien le dire, ce sera tout de suite après eh bien, notre deuxième bulle de son avec une chanson de Christophe Toussaint que vous nous avez préparé. Vous nous expliquerez tout de suite après cette musique pourquoi. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Thank you. Et voilà pour cette musique de Christophe Toussaint. Cette musique, vous l'avez intégrée à ce projet, l'Appel de la forêt ? Il en fait partie ? Oui, tout à fait. Alors, pas directement ce morceau, cette pièce que l'on vient d'entendre, d'Épinette. Oui. Mais Christophe Toussaint, bon, certains le connaissent, il est déjà venu ici, oui. Je pense bien. et Christophe est épinettier, donc il fabrique des épinettes des Vosges, oui. et il joue de cet instrument qu'il fabrique. Et voilà, c'est vraiment aussi une mémoire par rapport à ces pièces, à ces morceaux d'épinettes qu'il retrouve, qu'il joue, qu'il remet au goût du jour, qu'il propose au public en concert. Enfin, voilà. Donc Christophe, on se connaît depuis longtemps, et effectivement, j'ai repris contact avec lui au fil du projet L'Appel de la forêt, puisqu'il en fait partie, et il explique son métier et sa fréquentation du bois. Oui. Sa crainte d'être surpris par une pièce de bois qui pourrait casser, Donc, puisque l'idée était vraiment de rencontrer par-delà quelques acteurs du monde rural, comme un apiculteur lié à la forêt par le miel de sapin des Vosges, donc voilà. Mais sinon, on allait à la rencontre d'une plasticienne, Annie Tremzal, du graveur sur bois, malheureusement disparu, Jean-Paul Marchal, imagier d'Épinal, du maître luthier Alain Carbonard, école de lutherie principale dans le monde à Mirecourt avec le violoncelle et le violon. Et Donc voilà, on allait à la rencontre d'un sculpteur comme Francis Cuny également, donc de ceux qui fréquentent le bois mais qui n'exploitent pas la forêt dans le sens d'habiter des grumes, scier, bûcheronner, non, dans le sens d'avoir un lien avec ce bois très intime, très, très personnel, très amoureux souvent. Et mon challenge était finalement dans ce documentaire d'être à l'écoute de cette parole-là, oui. de filmer en quelque sorte une parole qui était très... dans l'émotion de la complicité. Oui. C'est Jean-Paul Marchal, je pense, qui parle de la complicité qu'il y a entre, même si c'est lui qui décide de son dessin, il y a une complicité entre la feuille de poirier, la plaque de fruitier qu'il est en train de graver avant d'imprimer. Et à partir de là, de cette complicité-là vont naître peut-être d'autres idées que celles prévues au départ. Oui. Christophe, en effet, a peur d'être surpris. Tous ont un lien très particulier avec le bois, avec nos forêts. Alain Carbonard, le luthier, lui écoute, finalement, fait résonner les arbres, les arbres de résonance, les tronces, écoute l'arbre qui va donner la meilleure musique, et puis de là va dire, c'est ce bois-là, cet épicéa que je vais choisir pour ma table d'harmonie, parce qu'il résonne mieux que les autres, parce que l'arbre chante mieux que les autres, et voilà. Donc c'était toute cette proximité forestière, mais dans l'émotion, que je voulais essayer de réunir, et ces intervenants donc se côtoient dans le film, et voilà, c'était vraiment un travail qui m'a plu, qui m'a passionné d'être à leur écoute, finalement, encore une fois, pour partager ces témoignages là voilà, on revient un petit peu au début, et à l'envie de faire connaître, à l'envie d'offrir une tribune en quelque sorte à ces acteurs de la forêt. Une vraie part d'intimité, quoi, qu'on livre à chaque fois. Ça, c'est, oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment, ça fait partie de l'essence de mon travail, de mon envie de partager, mais d'être dans l'émotion. Oui. Ce qui n'est pas évident. Là, j'étais en Belgique pour proposer quelques projections du film Vosges. Ça s'est globalement bien passé. Et voilà, c'est toujours émouvant d'entendre des spectatrices ou des spectateurs témoigner de leur compréhension du sujet, d'entendre dire que certains spectateurs, pas tous, finalement rentrent dans votre travail. Et c'est si cool, si love quelque part. Et finalement, on partage avec vous un instant d'émotion. Parce que c'est compliqué de partager une émotion quelque part. Parce chacun quand on travaille sur l'émotion, on a sur un fil ténu. Et on ne partage pas tous, on ne vibre pas tous à la même musique, aux mêmes paroles, au rythme. Enfin, le film documentaire, c'est aussi un rythme de construction. Le documentaire, ce n'est pas du reportage, il y a une construction, une écriture cinématographique, et une volonté de point de vue, où est-ce que l'on place la caméra, à quelle distance, et puis comment ensuite l'on organise toute cette histoire-là, tout ce montage-là. Et c'est le rythme, donc, qui est souvent chez moi plutôt lent, et la musique, finalement, et la parole... Qui vont créer une certaine alchimie. Et donc, c'est cet énorme puzzle-là qui se crée au fil des mois de travail, que l'on propose ensuite, finalement, au public, aux spectateurs, aux téléspectateurs, avec plus ou moins de succès, de facilité. Enfin, voilà. Mais moi, c'est vraiment mon envie est de partager une émotion et un savoir et aussi une problématique, parfois, une réalité qui peut être difficile, évidemment. Oui, oui. Quoi. Mais de la partager, et donc, en général, plutôt avec une fibre très... particulière qui est ma manière de travailler finalement. On s'en rend bien compte. Alors vous rendez, si on peut dire, hommage au patrimoine et au savoir-faire. Hein. Là, on le voit à travers ce projet. Vous en avez un autre qui est en cours, où les femmes ont encore une fois leur importance. Ce projet, il se nomme Envers et contre tout, éleveuse. Alors, je cite, dans les Hauts-de-Vosges, des femmes amoureuses de leurs bêtes développent des élevages attentifs au bien-être animal et des circuits de transformation respectueux des consommateurs. Vous avez donc suivi le quotidien de ces femmes éleveuses, c'est en ce moment même. Comment ça se passe ? Ça se passe bien. Alors effectivement, ce projet est né, c'est vraiment les suites quelque part de l'Appel de la Forêt, puisque l'Appel de la Forêt au départ, bon voilà, c'était un projet de film, un projet documentaire. Et puis ce projet s'est tellement bien passé quelque part, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, peut-être plus que ce que j'imaginais au départ, de filmer à la maison. D'être avec ces intervenants que je connaissais, ces acteurs du documentaire. Certains ont parlé de Christophe Toussaint, voilà. D'autres que j'ai rencontrés pour la première fois, que je connaissais de nom, mais que j'ai rencontrés à l'occasion du tournage. Et puis, et entre autres, un couple d'éleveurs, Laura et Lionel Vaxelaire de Saulsure, sur Moselotte. Oui. Et 2015, c'était l'année de la création d'un nouveau fromage, le cœur de massif, à partir du lait principalement de notre jolie petite vache de race vosgienne. Donc voilà, ça, j'avais envie d'évoquer ce terroir. Et donc, j'ai filmé avec Laura et Lionel, et puis dans leur élevage, évoqué finalement cette problématique, ce nouveau fromage créé à partir du lait de la race vosgienne. Et puis, j'ai continuer finalement à fréquenter ce monde des éleveurs, entre autres par rapport à la foire annuelle de Saulsure sur Moselotte, qui est dédiée à la vache vosgienne. Et en 2017, l'année dernière, donc je m'étais donné comme but photographique, en quelque sorte, je m'étais aperçu lors des deux premières foires que les femmes avaient une relation très très intime avec leurs bêtes. Oui. Avec les vaches qui sont proposées et qui sont présentées, je veux dire, lors de ces comices, lors de ces concours. D'une part, les vaches sont très très belles, brossées, tondues, clipées, comme on dit, avec des cloches, enfin voilà. Tous les paysans qui présentent leurs bêtes, les hommes ou les femmes, sont en tenue d'apparat, en quelque sorte. Et... alors voilà, tout le monde est très heureux de présenter son animal, mais avec des enfants parfois, mais finalement, voilà, les femmes ont une relation qui est plus proche, on va dire, de le petit bisou dans le cou de la bête, enfin voilà, avec ces vaches maous quand même, costauds, et puis parfois ces frêles jeunes femmes qui présentent ces bêtes. Et voilà, il y a une image qui me semblait intéressante, donc j'ai voulu... je n'avais pas de commande particulière, c'est un travail personnel en 2017, photographier un petit peu ce relationnel-là. Et puis ça s'est bien passé, j'ai eu de la chance en 2017, pas mal d'éleveuses, de filles, d'éleveurs, de dames présentaient des bêtes. Donc c'était une chance au niveau d'un travail photographique que j'entamais. Et de ces contacts-là, parce que bien évidemment j'expliquais ma démarche... Oui. De ces contacts-là, bon ben, j'ai partagé des images avec ces nouveaux amis, ces nouvelles connaissances. Et puis de là, petit à petit, cette envie de mieux comprendre ce monde paysan, ce monde des éleveurs, de nos montagnes, et puis de constater finalement que le rôle de la femme dans l'agriculture est de plus en plus important. Oui. On a en France 25% des exploitations qui sont tenues par des dames. Mais dans les nouvelles installations, 30% sont, au moins 30% sont tenues, sont gérées par des jeunes femmes. Donc ça me semblait intéressant d'évoquer un petit peu cette thématique-là, d'où l'idée du documentaire Envers et contre tout, éleveuse, que l'on construit avec une société de production lorraine, enfin spinalienne, qui s'appelle Supermouche Productions. Et oui, que l'on donc salue. On travaille ensemble depuis maintenant plusieurs mois au financement et à la réalisation de ce film. Et voilà, donc là, on en est... voilà, le projet a commencé, a débuté en été, surtout cet automne, et puis on va continuer pour aboutir. Je pense que le film sera proposé sur les chaînes régionales, Vosges Télévisions entre autres, qui est partenaire, vers l'été 2019, un peu avant, enfin voilà. Eh bien, on se tiendra informé. Comment on fait pour intégrer le quotidien des gens, les filmer, les photographier, tout en gardant justement le naturel de ce quotidien qui je pense, est vraiment important à transmettre à l'image? Disons que là, on revient un petit peu à ce qu'on disait tout au début sur la manière de s'intégrer, oui, finalement, d'être accepté, d'être compris. Ça demande beaucoup de... Voilà, c'est des mois de je dirais que c'est des mois... Enfin, ça se passe bien et facilement, mais je pense que ça se passe d'autant bien que l'on y met du sien, que l'on cherche à comprendre, comprendre avant de juger, et puis que l'on va à la rencontre et que l'on passe du temps. Donc, oui, de toute façon, l'écriture d'un projet documentaire est longue, donc demande à avoir de l'information, demande à aller dans les fermes rencontrer paysannes et paysans. Donc, voilà, ce sont souvent des couples. Moi, je cherchais au départ des femmes qui peut-être allaient mener seules leur troupeau, donc j'en, oui, ai rencontré deux. Mais il y a aussi, bien sûr, des couples d'agriculteurs, et souvent, la femme est quand même très liée au troupeau. C'est-à-dire que la traite, la transformation fromagère, quand elle existe dans certaines fermes, c'est surtout la femme, pas toujours et pas que, bien sûr, mais c'est souvent quand même la femme qui s'en occupe à la fromagerie, au niveau de la traite, au niveau du troupeau. L'homme s'occupe en plus des pâtures, des récoltes, des fenaisons, voilà. Et alors c'est un petit peu caricatural, mais c'est quand même en gros comme cela que ça fonctionne. Et donc du coup voilà, je suis quelques éleveuses, enfin je fréquente régulièrement quelques exploitations, quelques fermes, quelques éleveuses, et c'est tout un travail qui mène à se connaître, à se comprendre, à expliquer le projet que l'on veut mener. Et après, c'est le temps passé sur le terrain, donc le temps passé dans les salles de traite, tôt le matin, en soirée, le temps passé dans les prés. Alors, on ne passe jamais assez de temps, mais en tout cas, voilà, moi, j'essaye de d'y être régulièrement, et à partir de là, de toute façon, si l'on veut intégrer une parole assez libérée, une parole tranquille, qui dépasse justement, on le disait tout à l'heure, le stade du reportage, et pour s'intégrer dans une écriture documentaire forte, avec un point de vue, avec savoir ce que l'on souhaite dire, enfin proposer comme propos, partager comme propos par rapport à tout ce que l'on a ingéré au fil des mois ou d'une année ou deux d'informations, et voilà, qui serait intéressant des informations qui serait intéressant de proposer, de partager. Donc voilà, tout ça demande du temps et demande une fréquentation régulière de nos chères éleveuses qui parleront de leur travail, donc de leur travail et de leur passion, puisque c'est quand même un métier passion, hein, être paysan, oui, c'est quand même, ça, c'est quand même pas facile, on n'est pas loin parfois du sacerdoce, enfin, le temps passé, c'est du 7 jours sur 7, c'est H24, quand, oui, on est éleveux, c'est pas une fois de temps en temps ou 35 heures par semaine, donc c'est vraiment un travail lourd qu'on n'imagine pas toujours quand on est extérieur, finalement, un monde qu'on ne connaît pas nécessairement. Oui. Moi, je ne fréquentais plus le monde paysan depuis longtemps. Alors certes, tout mon travail était lié, ou quasiment, tout mon travail était lié à des communautés d'éleveurs, hein, oui, des éleveurs nomades, oui, extensifs, oui, et finalement, c'est un drôle de retour, enfin, c'est un peu amusant, mais de revenir ici, finalement, côtoyer des éleveuses et des éleveurs, qui sont aussi, finalement, dans un élevage extensif, quelque part, voilà, la vache vosgienne, elle est appréciée parce qu'elle pâture dans les essarts, dans les prébois, elle a de bons aplombs, donc voilà, c'est une vache qui est rustique et qui est adaptée à notre montagne, à notre territoire. Les paysans entretiennent avec leurs bêtes ce paysage-là, finalement, et donc participent à la beauté du massif et donc à la vie de notre territoire. Et puis, plusieurs sont, et c'est ce qui m'intéresse vraiment, intégrés dans les circuits courts, donc dans l'idée de transformer, puisque le problème, on le connaît bien au niveau des éleveurs, c'est comment l'on peut vivre avec un prix du lait qui est aussi bas. Donc le prix du lait, il est très bas, les laiteries l'achètent à bas prix, et donc on entend régulièrement les paysans, les éleveurs, finalement, avoir du mal, qui ont du mal à s'en sortir, et justement se plaindre, ce tarif qui est imposé finalement par les grandes laiteries, oui, par les grandes... par les grands groupes qui transforment le lait et les grandes surfaces, enfin, par tout ce système qui fait que finalement le premier concerné, l'éleveur, lui, n'a pas la maîtrise du prix du lait. Hein, on lui annonce, il faut bien savoir qu'on annonce à l'éleveur le prix de son lait un ou deux mois après la vente. Donc quand il vend le lait du mois de décembre, c'est au mois de février qu'il va connaître le tarif, le cours du lait. Donc c'est complètement ahurissant. Voilà. Alors beaucoup d'éleveurs, pas la majorité, mais beaucoup d'éleveurs ont décidé, surtout dans nos petits élevages de montagne, ça vaut un peu partout en France ou en Europe, où on a ce mouvement-là, un peu trop lent encore, mais qui prend de l'ampleur. Et en tout cas, pour les quelques personnes que je suis, plusieurs, pas toutes, mais plusieurs sont vraiment dans cette dynamique de circuit court, donc de transformer le lait directement à la ferme. Oui. Et de par cette transformation en un fromage de qualité, donc Munster, tomes diverses, cœur de massif, donc le nouveau venu qui en 2015 s'installe. D'accord. Et justement, on met à l'honneur le lait de la vache de race vosgienne. La majorité des troupeaux que je suis sont en race vosgienne. Tous ont de la race vosgienne, parfois avec quelques montbéliardes ou quelques... Voilà, je suis aussi une bergère qui a des vosgiennes, des highlands au niveau des vaches, et puis en allaitante, et puis il y a des brebis. D'accord. Donc, beaucoup sont donc dans cette dynamique de circuit court et de vendre directement aux consommateurs. Donc, on parlait au début, dans la présentation du projet, finalement, de cette relation, de cette envie témoignée de relations particulières des éleveuses avec leurs bêtes, mais aussi d'un respect de son troupeau, d'un respect de son territoire et du consommateur, par la proposition à un tarif tout à fait correct de produits en circuit court valorisés sur place dans la montagne. Et avec, du coup, une plus-value qui arrive directement, heureusement, dans la poche des éleveurs, et, oui. Et qui permet aux fermes de vivre. On s'aperçoit que ce n'est plus que les fermes qui ont des problèmes ne sont pas ces petites fermes en circuit court qui, elles, sont plutôt à flux tendu et n'arrivent même pas toujours suffisamment à produire, ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Et alors que, finalement, les fermes des 1000 vaches ou les fermes qui sont dans un autre développement ont plutôt des difficultés par rapport au cours du lait, au cours de la viande, enfin, ainsi de suite. Et là, on s'aperçoit que tout doucement, quand on réduit le circuit, qu'on travaille avec ses voisins, finalement, eh bien, ça fonctionne. Et c'est intéressant, et c'est de ça aussi que j'ai envie de parler, de cette relation entre les éleveuses et leurs troupeaux, sans oublier leurs proches éleveurs, les frères, les hommes, les conjoints, et puis du circuit court, donc de cette relation particulière que ces éleveuses, que ces paysans réussissent à tisser avec nous autres, les consommateurs, les proches voisins, quelque part. Oui. Où on nourrit ses voisins dans la proximité. Donc, par rapport à des problématiques, on en parlait samedi avec la marche pour le climat, là, on est sur du circuit court, pas de transport au long cours. Sofiane, qui est bergère, on en parlait à l'instant, qui a des animaux pour la viande, à son abattoir qui est tout près, est en filière biologique et vend à ses voisins. Enfin, en gros, elle dit, moi, ce qui me plaît, c'est que je nourris mes voisins. Et je partage de la bonne viande avec des proches. On n'est pas obligé de manger beaucoup de viande. Si on en mange un peu, on peut choisir, finalement, de viande en filière biologique avec des animaux bien tenus que l'on peut rencontrer et visiter sur la ferme. Et voilà, donc c'est cette problématique là finalement, cette émotion là aussi par rapport à parce que c'est ce qui m'a attiré au départ, d'avoir cette relation particulière avec les bergers du Sahel. Souvent je témoignais avec mes films, j'avais envie de dire on a un peu perdu ça chez nous, mais il y a une relation, l'animal fait partie de la famille, il y a une relation de proximité entre ces bergers nomades, et puis à côté du campement, le troupeau est là, pâture, se couche, et c'est ce qu'on a perdu ici. Alors ça, c'était vraiment avant que je retrouve le quotidien du monde paysan, et je m'aperçois, c'est sûrement pas vrai partout, mais que dans nos petites fermes de montagne dans les Vosges, avec les éleveuses que je suis, la bête fait partie de la famille, l'animal est un proche, et c'est aussi ce relationnel-là très fort qu'il y a, cette proximité qu'il y a entre ces animaux et ces éleveurs. Voilà, chez Léa, qui est une jeune éleveuse qui fait partie du projet, qui appartient au projet, la vache la plus âgée a 19 ans. Les Vosgiennes donnent du lait jusque bien tard, 10 ans, 12 ans, enfin même plus. Cette vache qui a 19 ans, finalement, si elle n'aura plus de veau, si elle n'est plus productive quelque part, ben, comme expliquait Laurent l'éleveur, ah ben, le père de Léa, ah ben, d'accord, mais finalement, elle éduque les jeunes veaux, les veaux un peu récalcitrants, on les met avec, son nom m'échappe, avec Marguerite, notre aînée, et puis à partir de là, ben, du coup, les veaux sont un petit peu recadrés par la mère supérieure, quoi. Et, mais oui, qui finit ses jours à la ferme. Enfin voilà, donc c'est vrai que par rapport à des Holstein qui ont une espérance de vie de 4, 5, 6 ans après, fini parce qu'on les a tellement exploités, pressurés au niveau du lait, nos Vosgiennes sont 10, 15, 20 ans dans les fermes. Alors ça, c'est quand même exceptionnel, et c'est au niveau du bien-être animal, au niveau du côté extensif de l'élevage. Voilà, on parle d'élevage à haute valeur naturelle aujourd'hui. Voilà. D'accord. Parce que ce n'est pas tous des élevages qui sont en bio, parce que la filière biologique, elle est aussi compliquée à mener. Faut aussi avoir les pâtures suffisantes. On le voit des années comme cette année où on était en période de sécheresse, où c'est compliqué d'avoir suffisamment d'herbe, où c'est compliqué cet hiver d'avoir assez d'herbe pour tenir jusqu'à l'année prochaine. Oui. Et donc trouver des herbages bio et tout, c'est compliqué, ça peut générer du transport, donc c'est peut-être pas toujours la solution, mais en tout cas, on a une haute valeur naturelle par rapport à l'élevage extensif, l'entretien du paysage, et tous ces éleveurs qui sont en race bovine vosgienne, finalement, intègrent un organisme de sélection pour surveiller un petit peu la race qui a failli disparaître dans les années 70-80, puisqu'on était à 2-3 000 têtes, on est repassé à 10 000, donc voilà, la race est sauvée en quelque sorte, mais il faut faire attention. Et dans les critères du cœur de massif de ce nouveau fromage, on a des critères très stricts par rapport aux OGM, par rapport au maïs, par rapport pas d'ensilage choucroute, enfin ainsi de suite. Donc c'est quand même très très, très, très cadré, et on a des éleveurs conscients de la problématique environnementale, conscients et désirés de respecter, que leurs bêtes vivent bien, qu'il y ait du respect, et de nous proposer à nos autres consommateurs finalement des produits de qualité et des produits naturels. Donc voilà, et ça fonctionne, puisque voilà, ceux qui sont les fermes en circuit court qui produisent du fromage finalement sont souvent à flux tendu et ça fonctionne. Donc c'est le cœur de massif, parfois c'est très difficile d'en trouver parce qu'il n'y en a pas suffisamment. D'accord. Voilà, parce qu'il n'y a que quelques éleveurs qui en proposent. Donc c'est voilà l'essence du projet, l'idée du projet qui sera terminé dans une petite année, on va dire. Eh ben, on se tiendra informé sur la finalité de ce projet, et pour peut-être refaire une émission sur ce sujet, parce qu'on aurait pu encore en faire des heures là d'émissions avec vous. C'est vrai que c'est passionnant de vous écouter parler de tout ça. Moi je suis ravie de vous avoir accueilli aujourd'hui dans la bulle pour parler de votre parcours et de vos projets. Alors si on veut en savoir plus, vous avez un site internet www.jeanpierrevalentin.com où sont un petit peu répertoriés les projets, ce que vous proposez, votre parcours, etc. etc. Est-ce qu'on vous retrouve prochainement? Là, vous avez participé récemment à Grand Angle proposé par la Ligue de l'Enseignement. Est-ce qu'on vous retrouve dans une exposition à travers un ouvrage Non, pour l'instant, place au travail. Ça va être vraiment le travail de réalisation. Maintenant, dans les 6 mois qui viennent, ça va être vraiment consacré au film, au documentaire avec les éleveuses des Hauts-de-Vosges. Ouais, voilà. Ben, on les salue toutes en tout cas. Et puis, on vous souhaite plein de bonnes choses pour ce documentaire que vous allez faire avec toutes ces éleveuses. Et puis, à travers nos terres vosgiennes, on a hâte de voir tout ça. Merci encore d'être venu parmi nous pour nous parler de tous ces sujets passionnants. Je vous propose de terminer non pas avec mon générique de fin, mais avec une petite bulle de son qui était prévue avec Vaïteani. Est-ce que je l'ai bien prononcé ? Vaïteani, oui. Avec la chanson Areva. Oui, donc c'est une musicienne que l'on a rencontrée il n'y a pas longtemps. Vous parliez de Grand Angle et du festival de la Ligue de l'Enseignement à Épinal, donc la dernière quinzaine de novembre, donc festival auquel je participais avec une exposition. Oui. Et du coup, Vaïteani et Luc sont musiciens qui sont basés entre autres en Alsace, mais surtout à Tahiti, sont venus pour un concert à la Souris Verte où était mon exposition pour chanter, évoquer finalement cette vie des îles, mais aussi évoquer le climat, le dérèglement climatique, puisque la thématique de Grand Angle cette année, 2018, c'était le dérèglement climatique. D'accord. Et donc, moi, j'évoquais le problème des espaces au Sahel, donc au sud du Sahara, principalement. Et j'ai beaucoup apprécié le concert de Vaïteani. Enfin, tous ceux qui étaient présents à la Souris Verte ce soir-là de novembre, je crois, étaient émus par cette poésie et cette langue tahitienne. Et oui. Et c'est pour ça que j'avais envie de la partager. encore une petite partie de voyage pour terminer cette bulle. Merci encore beaucoup, Jean-Pierre Valentin, d'être venu. Et puis, de très, très belles choses à venir. Merci beaucoup. À nos auditeurs, on se retrouve lundi prochain. Et puis, c'est comme tous les jours, hein, bonheur, joie et rire à tous. Riva, te finua tea. Farui, tu urara ateito. Aimi, tu parateito viri. Te mui mui ahia e oi. Harai te rahua peni ho ai. Maru tu a maha ore. Harai te rahua peni ho ai. Maru tu a au te teimitie. Riva I te whenua tea. Wharui tu urara a teito. Imi to parateito o viri. Te mui mui ahia e oe. Arai te rahua peni ho ai. I maru to a maha ore. Arai te rahua peni ho ai. Para teito viri.